Quand j'étais petit, le soir en m'endormant, j'écoutais les chansons que chantait maman. C'était mon bonne nuit, les petits, mon babar, mon bambi. C'était tout ça, c'était aussi meilleur que ma bouillie. Oh, dis-moi pourquoi dans la ronde des grands, les soldats ne sont pas de plomb. Et pourquoi les noirs n'épousent pas les blancs. Mon Dieu, que c'est con. Regardons-nous, amusons-nous, au moins de temps en temps. Dans le cœur de l'homme, il y a toujours un enfant.